sortir ce lieu, terrible village, Astée est mort ce soir. Les villageois tranquilles s'endorment, Astée est mort ce soir. Oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé. Dans le village, Astée est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage, Astée est mort ce soir. Oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé. L'indomptable, le loup-garou, Astée est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma sorcière, Astée est mort ce soir. Ah oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui, Noé, oui. Woo!